Le séminaire sur la Journée mondiale de la population 2016 s'est déroulé le 11 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part les fonctionnaires de la santé publique, de l'enseignement, des ministères, des établissements centraux, des organisations des travailleurs et sociales, les jeunes et enfants de Pyongyang, les membres de diverses représentations des institutions internationales telles que le chargé par intérim du Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que les diplomates de divers pays en Corée. Le même jour, l'Institut démographique a publié le bulletin spécial « Les nouvelles de la population ».